Son amour était-il vrai? Oh, je peux en douter. Comme tu m'as quitté pour cet amour présumé. Je pense avec humanité, tes larmes je les ai trempées. Dans notre amitié un peu particulière, tu m'as donné des regards, oh, des stupides clichés. T'as attendu quelques mois, ton rêve n'est pas passé. Tu as rouvert ce tiroir comme si de rien n'était. Votre amour laisse une trace qui vivra à jamais. Des tonnes de clichés sur les rochers, la toile arachnéenne vient les arracher. J'avoue, je n'ai pas de haine, non, rien n'est caché. Ton amour me fait de la peine, mais je ne peux me fâcher. Ton amour était si parfait que je ne l'ai pas mérité. M'as-tu dit des phrases toutes faites ou des banalités? Des choses irrationnelles, non, pour l'amour du ciel. Pas de clichés, les choses deviennent moins belles. Je n'ai pas de dégoût amer, car j'arrive à me défaire. Eh, hey, quel beau cliché, mes larmes ont rejoint la mer. Nous séparant de que des banalités, l'amour est un cliché. Cliché. Un grand cliché. Un grand cliché. Un grand cliché. Cliché. Ah.